Le journal d'Internet sud-coréen Jeju Sibo fait savoir que les ressortissants coréens aux États-Unis ont tenu des activités commémoratives des saisons de la déclaration commune nord-sud du 15 juin dans diverses régions. À New York a eu lieu le 11 une cérémonie. À la suite de la lecture de la déclaration commune nord-sud du 15 juin, les orateurs ont affirmé qu'il faut réunifier le pays en toute indépendance et par voie pacifique, selon l'idéal « entre nous les Coréens », esprit fondamental de la déclaration du 15 juin. Ils ont déclaré de militer plus vigoureusement pour ouvrir une nouvelle ère de la réunification du 15 juin. Partout aux États-Unis, se sont tenues des cérémonies telles que conférences.